L'actualité à Nancy et ailleurs. Rendez-vous au château les 22, 23, 24 mars. C'est l'association Rendez-vous Exquis qui nous invite à fêter en musique sa deuxième année d'existence. Et pour nous en parler, on a Nathan au studio. Bonjour Nathan. Salut Yves. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Ouais. Nathan qui est le président de l'association Rendez-vous Exquis, mais qu'on te retrouve aussi depuis quelques temps à l'antenne, une fois par mois. Sur l'Instant Groove. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Voilà. C'est pas la bande-annonce, hein, c'est lui qui l'a fait en direct. Et qu'on avait reçu aussi l'année dernière, déjà. C'est comme ça que ça a commencé aussi. Oui. Est-ce que tu avais organisé le festival Boom les Bains? Oui, la première édition qui s'est très bien passée et on réitère cette année. On en parlera dans une autre émission de radio. Certainement. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est ces deux ans. Hein, ça va se passer où? Château de Saint-Max. Au château de Saint-Max, trois jours. Sur trois journées. Oui, trois jours, la troisième journée étant un peu plus calme que les autres, vu qu'on fait que un brunch et des petits éveils musicaux, on va dire. Mais la musique sera bien présente, on va revenir sur la programmation. Déjà, deux ans d'association, Rendez-vous Exquis, c'était quoi l'idée de départ de ton assos? L'idée, c'était de promouvoir la culture dans des lieux qui soient atypiques et insolites. Mmh. Et en fait, les deux ans, là, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail pour gagner la confiance des acteurs locaux et développer la culture. Il y a aussi la création d'un festival, on a parlé, la Boom les Bains. En deux ans, on a joué dans pas mal de lieux nancéens. Et, par exemple des bars, Schmilblick, Bar à Mousse, là récemment, le Black Baron qui vient de rouvrir. On essaye de trouver toujours des lieux pour ensuite avoir des plus grands lieux pour nous développer notre savoir-faire, on veut dire. Ce rendez-vous de fin mars, c'est une preuve de confiance de vous laisser le château de Saint-Max comme ça? Oui, je pense que c'est une bonne preuve de confiance de voir qu'on travaille dans de bonnes conditions et que bah voilà, on sait faire la fête de la bonne manière, je dirais. Voilà, t'es pas tout seul dans la sauce, hein, j'imagine. Non, vous êtes combien aujourd'hui? On est 4-5 dans l'organisation, mais après, on a toujours des bénévoles qui viennent nous aider. On sera une vingtaine de bénévoles sur place. Et donc, vous l'avez imaginé, comment ces deux ans? Donc, c'est au château Saint-Max, on l'a dit. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, le vendredi à 18h, il y a le vernissage. Ça commence par l'inauguration des deux ans avec le vernissage de l'artiste Baba Yaga, Paperland, qui est une artiste spinalienne et qui fait des illustrations magnifiques. Et son exposition, c'est Vous êtes un monstre. Et elle sera là pendant une semaine au château, en fait. Si vous venez à l'événement, vous pourrez bénéficier aussi de cette exposition qui sera là pendant la durée de l'événement. Et de rencontrer l'artiste? Et bien sûr, le vendredi, elle sera présente et j'espère aussi le samedi. Et donc une expo, ça c'est plutôt original déjà, et de la musique aussi. Oui, voilà, et ensuite après, le week-end s'articule beaucoup autour de concerts de musique souvent électronique. Donc ça commence le vendredi à 18h jusqu'à la fin de soirée et on reprend le samedi là par des ateliers. Donc on commence au début d'après-midi et c'est là où promouvoir le consommer mieux, le local et le vivre ensemble par rapport à Rendez-vous Exquis. Là on fait des ateliers avec le Low-Tech Lab de Nancy. Donc là il y aura un atelier, bon j'en dis un peu plus, mais sur la création de lessive à la cendre, donc de bois, du savoir-faire tout seul à la maison. Il y aura aussi Céor, l'atelier musical, qui fera de la création d'instruments musicaux avec des objets de récupération. Ouais, qui font déjà pas mal de choses sur Nancy. On les voit notamment au NJP, je crois, ou des choses comme ça. Ouais, exact. Et je les avais rencontrés lors de leur événement de soutien à l'Octroi Nancy. Et c'est là où j'ai adoré ce qu'ils avaient fait. Et je trouve que c'est pertinent de les avoir à nos côtés pendant cet événement. Pardon. Il y aura aussi des jeux pédagogiques en bois. Oui, donc ça, c'est les éditions Adventis. C'est Aurélie Marzoc, qui est une designeuse et qui a développé des outils pédagogiques sur la forêt, le jardin. Donc, c'est des jeux qui sont pour tous les âges et qui permettent d'en apprendre un peu plus sur l'environnement, la biodiversité. Voilà. Et la musique électronique qui est au cœur, bien sûr, de ce week-end, il y aura même des ateliers de MAO. On pourra créer des vocations, peut-être. C'est ça, exactement. Donc là, c'est Rendez-vous Exquis qui va faire ça. Il y a une personne chez nous qui s'appelle Naïta, qui est un artiste, et qui a aussi une émission de radio ici qui s'appelle Biscats. Oui. Du coup, il va me faire un petit cours de MAO. C'est vraiment de la découverte et c'est pour donner envie aux personnes et que c'est de leur montrer que c'est pas un monde qui est fermé, en fait. Donc un week-end avec beaucoup de choses, hein. C'est aussi le résultat de toutes les rencontres que tu as pu faire, que vous avez pu faire au sein de la sauce en deux ans. Oui, c'est ça, parce que clairement, par exemple, Naïta, je l'ai rencontré ici à Radio Fadjet. Puis c'est aussi l'ambition de faire ça dans un lieu vraiment insolite. Et là, le château, c'est vraiment incroyable, le lieu, il est magnifique. Donc on a poussé des portes, on a fait des contacts aussi pour que tout se passe dans le meilleur, quoi. La programmation musicale, on n'a pas cité celles et ceux qui seront là. Il y a quand même des noms connus dans le coin. Hein. On peut citer qui alors ? Alors, il y a Chapelier Fou qui sera là le samedi. Ouais. Donc, c'est un artiste super. J'invite tout le monde à l'écouter pour envie de voyager. Je le trouve incroyable ce qu'il fait. Et d'ailleurs, j'étais à son dernier concert ensemble à Metz. Et j'ai eu cette chance et c'était incroyable. Et après, on a Keynes. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est un artiste qui a fait Tomorrowland, plein de festivals hyper connus. Bref, j'en passe. Et cette personne va venir à Nancy et je trouve ça exceptionnel. Parce que voilà, on pensait pas... Il faut savoir qu'on l'a écouté en fait pendant une soirée. On s'est dit, oh mais est-ce qu'on peut le démarcher ? On a essayé de le démarcher. Cette personne est hyper sympa. Et elle viendra le vendredi 22 mars à Nancy. Et je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel. Il n'est jamais venu ? Non, je pense pas. En tout cas, quand je regarde l'historique, non. Donc voilà, c'est un moment à pas rater, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Et ça sera du coup le vendredi soir. Et après, il y a toute la scène locale nancéenne qui sera aussi présente. Donc il y a des personnes de Rendez-vous Esqui, mais aussi Marie Tonique. Il y aura Docteur Feuille le samedi. Johnny Buntar, Last News from Disco, qui sont des DJ nancéens que j'avais déjà interviewé dans mon émission aussi, qui sont pertinents, qui ont de l'expérience et qui sont vraiment assez incroyables. Et toujours dans la programmation, qui d'autre ? On aura surtout un DJ nancéen, David Lee, qui est maintenant bien connu sur la scène locale nancéenne. Un beau week-end électro, mais pas que, parce que tu l'as dit, il y a des expos, il y a de quoi manger local aussi, oui, sur place, ça. Et boire un petit coup, c'est ça. En toute convivialité. Ça va vraiment refléter ce que tu veux faire passer dans la sauce aussi. Exactement, le but c'est de vraiment donner du soleil aux gens, si tu peux permettre. Et puis en plus c'est le début du printemps, donc là on espère avoir du soleil. Et on espère aussi peut-être organiser un tournoi de pétanque, c'est en cours de construction, mais on aime varier les choses et les plaisirs. Donc c'est rendez-vous au château les 22, 23, 24 mars. Je suppose que les places sont limitées, il faut peut-être réserver. Comment ça se passe au niveau des tarifs aussi ? Les places sont limitées, donc je vous invite vraiment à prendre vos préventes. Là, ça commence vraiment à s'accélérer parce que plus on approche de l'événement, plus les gens s'activent. Et donc, c'est 16€ la place pour le vendredi, 16€ la place pour le samedi. Et si vous prenez le pass week-end, c'est 25€, je crois. C'est ça, exactement. Bah, on retrouve tout ça sur les réseaux. Sur Facebook, RDV Exqui, donc vous aurez l'événement RDV au château. Et sinon, vous pouvez regarder sur Hello Asso aussi, RDV au château, vous le trouverez. Pour fêter dignement les 2 ans de Rendez-vous Exqui, qui aura bien sûr d'autres projets derrière, la 2e édition de Boom les Bains. Oui, bien sûr, la 2e édition de Boom les Bains, puis après, on espère d'autres dates. Super Nathan, merci. Merci à toi. Et pour terminer cet entretien, on écoute Chapelier Fou, qui sera présent pour cet anniversaire Rendez-vous au château, avec le titre Oracle.